Vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1, vous l'entendez, glou glou glou glou, et vous écoutez Futur Simple, Valérie Levé au microphone. Et à l'heure du souper, on va quand même parler de quelque chose de pas trop ragoûtant peut-être, les eaux usées. Ces eaux ne sont pas si usées que ça en fait, elles recèlent des nutriments qu'il vaut le coup d'aller chercher. Alors comment on va les chercher? On en parle avec Céline Vanikauté, professeure au département de génie chimique à l'Université Laval et directrice de l'équipe de recherche BioEngine sur l'ingénierie des procédés verts et des bioraffineries. Bonjour Céline. Bonjour Valérie. Bon retour à l'émission. Merci. Et on en parle aussi avec Eric Walling qui est étudiant au doctorat dans l'équipe de Céline. Donc bonjour Eric. Bonjour Valérie. Alors pour savoir de quoi on parle, commencez par préciser ce que sont que ces eaux usées. Est-ce que ce sont les eaux usées domestiques, des eaux industrielles, commerciales, pluviales, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, donc exactement, on a différents types d'eaux usées. Donc ce sont donc des eaux polluées qui contiennent des contaminants qui peuvent donc en fait polluer les eaux dans lesquelles on va les déverser. Donc si on parle des eaux usées domestiques, c'est donc plus des eaux de douche, de toilette, puis tout. Donc ça contient entre autres les nutriments. On a des eaux usées industrielles, donc des eaux de procédés, par exemple dans l'industrie de pâte et papier, donc des eaux blanches, donc qui peuvent avoir des toxines. Des eaux de commerce, donc par exemple des hôtels, des cinémas même. Puis on a des eaux pluviales exactement, donc des eaux qu'on peut même capter des toits ou dans des puits, on peut les capter, puis peut y avoir des bactéries, par exemple, là-dedans aussi. Ou les eaux qui circulent sur les routes, là, puis qui se retrouvent dans les égouts, puis qui ont, on ne sait pas trop quoi. Exactement, hein. D'accord. Donc, différents types et différents polluants aussi. Donc, il y a différentes polluants, différentes choses qui se retrouvent dans ces eaux usées, et entre autres, on y trouve des nutriments. Alors là, je vais me tourner vers Eric. Les nutriments, c'est quoi, en fait? On en parle, c'est un mot qu'on utilise souvent, il y en a dans l'alimentation, mais c'est quoi, en fait? Oui, ben, c'est exactement ça, en fin de compte. Les nutriments sont des éléments, donc des éléments chimiques, qui sont nécessaires pour assurer la croissance et la vie pour tout organisme vivant, mais dans le contexte qu'on parle, on parle surtout des plantes. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs types de nutriments. On peut les catégoriser comme des macronutriments ou des micronutriments, dépendant de la quantité qui sont nécessaires. Mais on fait souvent référence, lorsqu'on parle des nutriments qu'on va appliquer au terrain, mettons, à trois principaux. Donc, l'azote, le phosphore et le potassium. OK. Et donc, l'intérêt, par contre, de ces nutriments, c'est que ça permet aux plantes de synthétiser eux-mêmes les molécules qu'ils ont besoin pour fournir l'énergie et pour se permettre de croître à un niveau optimal. Donc, si, admettons, on a des plantes qui n'ont pas la quantité de nutriments nécessaires, et donc elles vont pouvoir mourir, ou sinon on va remarquer une croissance qui est nettement réduite. Et c'est la même chose, si on augmente la quantité de nutriments, on atteint une quantité optimale, eh bien on va remarquer une croissance extrêmement améliorée. Les plantes vont être beaucoup plus grosses, on va produire plus de fruits ou légumes, ce genre de choses. Donc finalement, c'est ce qu'on appelle vulgairement les engrais. Pour les plantes, là, si on parle dans le contexte des plantes, c'est ce qu'on appelle les engrais. Mais là, il manque un lien là, qu'il faut faire parce qu'on parle de nutriments, d'engrais pour les plantes, mais on était dans les eaux usées. Ça veut dire qu'on retrouve ces mêmes nutriments dans les eaux usées qui viennent préalablement donc, de nos eaux domestiques ou des eaux d'usine, etc. Donc, toutes ces diverses eaux nous apportent, sont une source de des nutriments que tu as nommés, je ne me souviens plus déjà, NPK. Oui, azote, phosphore, potassium. Ouais. Exactement. Donc, il y a deux grandes sources, comment que les nutriments peuvent se retrouver dans un milieu, dans l'environnement. Donc, il y a des sources naturelles, qui sont les processus naturels, comme on dit, de dégradation des matières organiques. Donc, lorsqu'une plante meurt, les nutriments vont retourner au sol. Même chose pour différents phénomènes, mais pour les eaux usées spécifiquement, souvent ça provient des sources humaines. Donc, ici, on a les eaux usées, que, comme Céline a décrit, peuvent être riches en nutriments, mais il y a aussi l'application d'engrais, comme tu as fait allusion. Donc, ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est qu'on va appliquer des engrais sur les terres agricoles, et lorsqu'on arrose les plantes, ou bien lorsqu'il y a de la pluie ou quoi que ce soit, de l'eau qui va les apporter, eh bien, il y a une partie de ces nutriments qui vont être emportés avec les eaux. Donc, ces nutriments-là peuvent se ramasser par le biais de l'eau, par ruissellement, soit dans les eaux souterraines, ou bien ils vont ruisseler jusque dans des lacs, dans des cours d'eau, dans des rivières, et ça va augmenter grandement la quantité de nutriments qui sont présents dans les eaux. Mais pour les eaux, dans les eaux usées, comment est-ce qu'ils arrivent? Comment ces nutriments-là arrivent dans les eaux usées? Bien, c'est comme tu as fait allusion, c'est pas juste les plantes qui ont besoin des nutriments, nous aussi on a besoin de nutriments. Donc c'est notre alimentation, donc, nos déchets alimentaires, par exemple? Ben, l'urine. L'urine. Oui, c'est ça, l'urine. C'est les aliments, en fin de compte, il y a une certaine partie qu'on va utiliser pour faire des protéines, etc., mais il y en a quand même une bonne partie qui va sortir soit par les urines ou... D'accord. Donc, on les retrouve dans les eaux usées. Et si on fait rien, qu'est-ce qui se passe normalement, actuellement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que à l'usine de traitement des eaux usées, est-ce qu'ils sont éliminés? Est-ce qu'ils retournent dans la nature? Ben actuellement, donc ils sont souvent éliminés. Donc en fait, par exemple pour l'azote, donc qui est très riche dans les eaux usées, donc on va utiliser des procédés assez intensifs, énergivores en fait, pour enlever l'azote, pour le transformer en diazote qui va échapper vers l'atmosphère. D'accord. Et le phosphore, souvent on va le précipiter pour, ben le phosphore il arrive dans les boues qu'on va par la suite actuellement encore enfouir ou incinérer. Okay. Donc en fait actuellement ces éléments-là sont perdus de nouveau dans l'atmosphère. Soit dans l'atmosphère ou soit on les perd dans les sols, tandis qu'il y a beaucoup de potentiel en fait de récupération justement. Donc là, on les enlève par ces différents traitements. Là, on les enlève des eaux usées parce qu'on ne pourrait pas retourner dans le milieu récepteur, dans le milieu naturel. On ne pourrait pas retourner les eaux chargées de ces nutriments parce que sinon, ça engraisserait le milieu naturel, c'est ça? Exactement. Ce qui se passe en fin de compte, lorsqu'un bassin d'eau ou un milieu aquatique reçoit un surplus de nutriments, c'est la même chose en fin de compte que les plantes. Donc, les plantes aquatiques se servent eux aussi des nutriments pour favoriser la croissance. C'est pas juste les plantes, mais les algues aussi. Et donc, ce qui se passe lorsqu'on rajoute des nutriments d'une manière non naturelle, c'est on a le phénomène qui s'appelle l'eutrophication. Et donc, l'eutrophication, c'est simplement une croissance, une prolifération des algues et des plantes marines. Et l'impact que ça a, ça, c'est qu'après un certain bout de temps, on va avoir une éclosion, une floraison des algues. Donc, ici au Québec, on entend souvent parler des algues bleues ou des algues vertes. Ouais. Un exemple très populaire, c'est le lac Saint-Augustin, qui est techniquement hyper eutrophique. Et donc, ce qui se passe là, c'est que suite à tous ces changements-là, eh bien, les algues causent une consommation quasi totale de l'oxygène qui est présente. Et donc, les poissons, eux, n'ont plus de manière de s'alimenter. Ils vont malheureusement suffoquer et mourir. Donc, l'ajout de nutriments, ça déstabilise complètement l'écosystème présent. Le problème, c'est que c'est même pas juste un problème environnemental, c'est vraiment une crise à un certain point. On a des estimés qui disent que plus de 50% des lacs en Amérique du Nord sont eutrophiques. Ah oui. Et donc, c'est vraiment un gros problème. Ouais. Et de plus, il y a aussi le fait qu'une fois que les nutriments sont dans l'eau, de manière naturelle, sont très difficiles à enlever. Et c'est de là aussi qu'il vient l'intérêt un peu du travail qu'on fait dans le groupe de recherche, qui cherche à soit enlever la source des nutriments directement ou de chercher peut-être à réduire la quantité présente. Ouais, ouais. Donc effectivement, donc il y a ces nutriments qui sont dans les eaux usées, on veut pas qu'ils retournent dans le milieu naturel, donc on fait toutes sortes de traitements pour les précipiter ou pour les transformer en diazote et donc ça va dans l'atmosphère, alors que c'est une ressource qui pourrait être utilisée à des fins agricoles. Oui, en effet. Donc en fait, il y a un paradoxe. Donc, on a trop de nutriments dans l'environnement, qui polluent nos eaux usées, mais en même temps, on importe beaucoup de nutriments ici au Québec, par exemple. Donc, en fait, par exemple, pour le phosphore, 75% de phosphore, en fait, est capté en Maroc. Ah, donc, oui. On le capte par l'extraction minière et on fait le venir de Maroc vers ici. Aussi, l'Europe est complètement dépendante, en fait, de ces pays-là. Ouais. Donc, il y a quand même... Si on peut le garder ici, localement, aller chercher le phosphore, l'azote aussi, à partir de nos eaux usées, il est récupéré localement. Donc, on parle d'une économie circulaire aussi. Donc, on peut garder en quelque sorte une sécurité alimentaire aussi. Ouais. Est-ce qu'il y aurait assez d'eau usée et de phosphore dans ces nutriments pour se passer de l'importer du Maroc? S'il y a assez, c'est une question poussée, ça, mais on en produit. Puis aussi, il faut penser, les sources très riches, c'est par exemple les digestats provenant des usines de biométhanisation. Ouais. Donc, on a, c'est une nouvelle démarche du gouvernement d'installer des usines de biométhanisation pour produire de l'énergie à partir des déchets, des déchets alimentaires, puis tout. Puis, c'est le sous-produit qui reste, donc ce qu'on appelle le digestat, ça, c'est très concentré en nutriments. Puis c'est donc, en fait, c'est un bon engrais pour l'agriculture, puis on peut aller récupérer, donc utiliser les technologies pour récupérer les nutriments de façon concentrée, qui peuvent remplacer en fait les engrais chimiques. Parce que, donc revenons aux eaux usées. Je me souviens effectivement, on en avait parlé la dernière fois quand tu étais là avec un partenaire, un collègue de la ville là, pour parler du projet de l'usine de biométhanisation. Mais là, donc pour les eaux usées, en fait, est-ce qu'on a déjà des façons de récupérer ces nutriments? d'en faire autre chose que des précipités. Oui, oui, oui. Donc, il y a des technologies sur le marché maintenant, puis c'est déjà appliqué aussi. Donc, on a par exemple ce qu'on appelle le struvite. Donc, c'est aussi une forme de cristallisation, précipitation-cristallisation. Mais là, dans ce cas-là, on le précipite contrôlé, puis on obtient le magnésium-ammonium-phosphate. Donc, ça, en fait, c'est une granule qui est très intéressante pour les agriculteurs. Puis, c'est ce qu'on appelle un engrais à libération lente. Donc, il va éliminer... Ben, il faut épandre, en fait, ces nutriments de façon très lentement dans le sol pour que les plantes soient capables de les capter. Donc, on a moins de pertes à l'environnement. Donc, c'est un procédé très intéressant et c'est d'ailleurs développé à l'Université de British Columbia. Ah, donc, oui? C'est une technologie canadienne. D'accord. Et ici, à l'Université Laval, est-ce qu'on fait des recherches aussi pour récupérer ces nutriments à partir des eaux usées? Oui, en effet, c'est le gros thème de mon équipe de recherche, en fait. Donc, nous, on développe des nouvelles technologies. Puis, donc, on a une technologie qu'on est actuellement sur le point de commercialiser, en fait, ici. Aussi pour capter le phosphore, mais c'est une procédé d'adsorption sur une colonne qui est vraiment spécifique pour le phosphore. Puis, par la suite, on régénère, en fait, la colonne avec une solution. Colonne, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est une résine. C'est modifié pour être spécifique, c'est de l'échange ionique dans le fond. Finalement, ça va retenir, ça va laisser passer le reste et ça va retenir ça les éléments. Retirer spécifiquement le phosphore. Donc, ça va être capté sur la colonne. Une adsorption, en fait. Donc, ça va Alors que le reste s'en va, le reste le passe reste à travers. Le reste s'en va, passe à travers. Puis, une fois que toute la colonne est saturée, en fait, en phosphore, donc ça atteint un niveau de saturation, là, on utilise une autre solution pour, en fait, aller récupérer. Pour libérer. Puis de récupérer sous forme concentrée aussi. Donc là, on peut produire des engrais. Mais ce qui est intéressant, cette technologie, c'est qu'il est très spécifique. Donc, nos engrais sont très purs. Donc, c'est très prometteur, puis c'est ça. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à tester la technologie, on cherche des sites pour aller tester cette technologie-là. Mais là, il va y avoir une étape à franchir, parce que je comprends que ce qu'on fait au laboratoire et ce qu'on peut faire dans une station d'épuration des eaux usées, c'est peut-être pas exactement la même échelle. Il va falloir des grosses colonnes pour récupérer ce phosphore des eaux usées qui passe à la station d'épuration. Oui, mais en fait, pour cette technologie, d'ailleurs, on a déjà fait le pilotage pendant 3 mois en Ontario, parce qu'on était un des 10 finalistes du George Barley Water Prize. C'est un gros prix international, en fait, c'était. Donc, pendant 3 mois, on a fait des expériences sur le terrain avec une pilote. Puis là, oui, c'est ça. Donc, on est prêt à l'installer à quelque part. La ville de Québec est-elle intéressée? Pour la ville de Québec, on est plus intéressé à capter. Si je parle de la ville de Québec, pour l'usine de biométhanisation, par exemple, là, c'est plus l'azote, les digestats qui vont produire. D'accord. La problématique est plus l'azote. Mais là, ils vont faire la récupération. En fait, ce qu'ils vont faire là-bas, c'est le procédé de stripage et absorption. Donc là, ce qu'on fait, en fait, c'est dans une première colonne, on va utiliser de l'air et augmenter le pH pour transformer l'azote en forme gazeuse, donc c'est de l'ammoniac dans le fond. Puis dans une deuxième colonne, on va le capter dans un acide pour produire des sulfates d'ammonium. Donc ça, c'est un des engrais azotés le plus utilisé au Québec actuellement. Donc, il y a sûrement un marché pour ça. Donc, en fait, on n'a pas tellement parlé du potassium. Qu'est-ce qui se passe avec potassium, le potassium? Il est plus difficile à aller chercher? Les recherches actuellement, à cause de l'eutrophication d'ailleurs, parce que c'est surtout causé d'azote et phosphore, donc les recherches actuellement, puis les technologies, c'est surtout sur l'azote et le phosphore, en fait, pour les récupérer. Mais le potassium est intéressant aussi, puis d'ailleurs, le potassium aussi, on fait l'extraction minière, donc les ressources sont aussi limitées, donc il y a sûrement des intérêts économiques et environnementaux d'aller chercher ce nutriment aussi. Est-ce que finalement les formulations, la forme sur laquelle on récupère ces nutriments, ce sont des formulations avec lesquelles les agriculteurs sont habitués de travailler? Comme je dis, les sulfates d'ammonium, c'est intéressant parce qu'il le connaît. Le struvite dont je parlais, donc magnésium, ammonium, phosphate, c'est tous des nutriments dont ils ont besoin. Ça, c'est un peu peut-être moins connu ici, mais on a fait des études sur le terrain avec ces différents types d'engrais pour prouver que ça fonctionne. Puis justement, ces deux produits-là sont déjà quand même assez bien établis. Puis on le voit. D'ailleurs, à Varennes, par exemple, ils produisent déjà des sulfates d'ammonium dans l'usine de biométhanisation. Okay. Donc, c'est sûrement quelque chose qu'on voit, qu'on va voir développer ici au Québec prochainement. Ouais. J'imagine qu'il doit y avoir bien des laboratoires qui travaillent de par le monde sur ces problématiques-là, parce que des eaux usées, il n'y en a pas qu'au Québec. Bon, il n'y en a pas qu'au Québec, non. Ben, la récupération des ressources, on parle de la transition des usines de traitement des eaux usées vers des stations de récupération des ressources de l'eau. De plus en plus, parce que les réglementations, d'ailleurs, je n'ai pas parlé des réglementations, mais les réglementations de décharge des effluents pour l'azote et le phosphore, donc c'est de plus en plus strict. Donc, on doit, pour être efficace puis économique, c'est plus intéressant d'aller récupérer, d'aller chercher de valeur au lieu d'utiliser en fait des technologies énergivores pour les enlever en fait. Donc il y a de l'intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut aller, d'autres richesses qu'on pourrait aller chercher dans les eaux usées ou dans les boues d'épuration ou les boues d'une usine de biométhanisation? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'on pourrait aller chercher? Oui, sûrement. l'énergie, j'en ai parlé un peu, donc avec la biométhanisation, mais il y a toutes les fibres qu'on peut aller chercher et réutiliser. Il y a des... je travaille avec une entreprise, entre autres aussi, avec lesquelles on récupère des biodétergents à partir des eaux usées, en fait. Donc, on peut aller chercher différentes choses, dépendant des molécules qu'on y retrouve, en fait. Des métaux aussi, hein? Oui, c'est vrai. On peut aller chercher aussi. C'est plus pour les effluents industriels, par exemple. Si c'est riche en métaux, on peut aller... les chercher, les récupérer. Est-ce que ça ne doit pas se faire à la source, c'est-à-dire à l'usine directement, ça? Est-ce qu'ils n'ont pas des réglementations pour enlever déjà une partie des polluants avant que ça arrive à la station d'épuration des eaux usées? Oui, effectivement, souvent les industries, en fait, ils ont leur propre traitement des eaux usées, donc leur propre usine. Ça dépend de la grandeur de l'usine, là, mais en effet, ils ne vont pas l'envoyer ça à l'usine municipale, non. J'ai une question subsidiaire pour Eric aussi. On n'a pas parlé de ton projet de recherche. OK, oui. Je t'invite à en parler. OK, le projet de recherche que je fais, ça s'intègre dans un projet plus global. Donc, le projet global qui, en fin de compte, participe à plusieurs groupes de recherche, plusieurs entreprises aussi, c'est de développer un outil d'aide à la décision pour déterminer les scénarios optimaux pour la valorisation des matières organiques résiduelles. D'accord. Donc, le nom il est très long, mais très simplement, c'est juste de déterminer, en fin de compte, les scénarios optimaux pour traiter nos matières. Donc, est-ce que je veux faire de la biométhanisation? Est-ce que je fais du compostage? Où est-ce qu'on peut situer les usines? Dépendamment de qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on va collectionner la matière organique, donc d'où est-ce qu'elle provient, et aussi, une fois qu'on a fait le procédé, comme Céline a dit, on produit du digestat, on produit des matières fertilisantes, des engrais, eh bien, c'est où les meilleurs endroits pour aller les porter. Donc, ça, c'est le projet global. Moi, au sein de ça, je me concentre surtout sur le développement des modèles de compostage. Donc, le compostage, ce qui est relativement intéressant, c'est que c'est un procédé que pas mal tout le monde connaît. Je veux dire, ça fait des années que ça existe. C'est implémenté un peu partout. Les gens le font dans leur maison. Mais d'un point de vue théorique, on connaît très peu de comment que le procédé fonctionne. Et donc, l'intérêt, c'est de vraiment aller puis démystifier tout ça pour savoir, en fin de compte, pour pouvoir déterminer quel type de compost qu'on produit, c'est quoi la qualité, c'est quoi l'énergie que ça va consommer, les émissions de gaz à effet de serre et tout cela. Donc ça, c'est vraiment le cœur de ce que je parle. Et on parle là de compostage individuel qui est quand même un peu archaïque. Quand on le fait chez nous dans un composteur au fond du jardin, c'est quand même assez primaire. Ou c'est plutôt un compostage vraiment industriel? Non, c'est du compostage à grande échelle, municipale. Et aussi, ça revient un peu à répondre à la question que tu as posée tantôt de quoi d'autre qu'on peut faire avec les eaux usées, les déchets. C'est, comme Céline a dit, il y a plusieurs choses. On peut faire des détergents, on peut extraire des métaux, mais plutôt on s'est concentré surtout sur les nutriments provenant de sources inorganiques, mais on peut aussi faire des fertilisants organiques. Donc ça, c'est le compost ou le digestat en tant que tel qui ont de la matière organique dedans, qui a une composition un peu plus intéressante pour les plantes et pour l'agriculture. Donc ça, c'est aussi un autre procédé qui est intéressant, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce qu'on peut s'attendre là-dessus. D'accord. Généralement, on va utiliser les deux ensemble, un engrais organique ensemble avec un engrais minéral. Mais en fait, un engrais organique, c'est composé de quoi? ben, la matière organique, oui, surtout, mais il peut y avoir généralement de l'azote, phosphore. C'est ça, c'est ce qu'on retrouve, c'est ça, c'est un engrais organique, mais dans lequel on retrouve ces fameux nutriments, c'est ça. La grosse différence, c'est la présence de carbone qui peut être utilisée dans ces Est-ce qu'ils sont mieux assimilés après par les plantes quand c'est sous forme organique que quand c'est juste minéral? Ben, c'est plus long parce que, par exemple, le phosphore, il peut s'attacher à la matière organique, donc ça peut être plus long à libérer. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute, en fait, une source d'engrais minéral pour que les plantes, au début de la saison, par exemple, qu'ils soient capables de pousser, en fait, directement. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, j'ai vu ce matin, en fait, que au Québec, on utilise la plus grande quantité d'engrais chimiques actuellement, donc minéraux, en fait, Canada, de l'Amérique du Nord. De l'Amérique du Nord. Donc, 3 fois plus que l'Ontario, puis 6 fois plus que les États aux États-Unis. Est-ce qu'on a une explication à ça? L'explication qui était donnée, je pense, c'est que sur les conseils qui déterminent les recommandations, on est une des seules provinces qui permet aux entreprises privées et les consultants dans ces matières-là de siéger, donc d'avoir une part dans la décision. Mm-hmm. Tandis que les autres, en général, c'est purement des... L'agriculteur lui-même ou... Non, dans le sens que pour la mise en place de réglementation, des limites sur l'application des matières fertilisantes, au Québec, les entreprises privées qui produisent des matières fertilisantes ont une part dans la décision de combien qui peut être appliqué. Donc, c'est sûr qu'ils vont pousse un lobbyer petit peu pour à la en hausse, avoir ça un peu pousse plus, un peu à la hausse les normes, peut-être. Ouais. D'accord. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour ces éclaircissements, pour nous avoir fait découvrir d'abord les eaux usées et la richesse cachée des eaux usées. Donc, je rappelle Céline Vanicoté, j'espère que je prononce bien, je vais finir par m'y habituer. Hein? Oh, c'est bien, c'est bien. Vanicoté, professeure au département de génie chimique à l'Université Laval et directrice de l'équipe de recherche BioEngine sur l'ingénierie des procédés des verres et des bioraffineries, et Eric Wallin, étudiant au doctorat dans l'équipe de Céline. Alors, merci à tous les deux. Merci beaucoup, Valérie.